Je t'écris ces mots avec mon cœur, pour toi ma plus belle fleur. Si loin de moi j'imagine tes yeux, que sans toi je suis malheureux. Notre amour pas facile mais pas interdit, chaque jour si difficile nous unit. Je pense à toi tous les jours, j'entends ta voix, toi mon amour. À l'encre de mes larmes, je suis resté sous ton charme. J'oublie tout mon désarroi, je sais que je n'aimerai que toi. Chaque nuit, je pense à toi. Dans tous mes rêves, t'es avec moi. Blottis tous l'un contre l'autre. Je pense à rien, même pas aux autres. Quand l'aube vient d'apparaître,